De Canal B sur antenne 94 MHz, c'est l'asile le plus sûr. Extrêmement ravi de vous retrouver et encore plus ravi aussi d'avoir retrouvé mes camarades de l'émission Stone Circus. Voilà, grand bien à eux qui ont repris donc leur excellente émission de psyché à l'ancienne. Quant à l'asile, c'est plutôt du psyché de nos jours. Voilà, des musiques de traverse très exactement que vous pouvez retrouver sur le blog de l'asile, asile35.blogspot.fr. D'ailleurs, vous pouvez même voter pour les Golden Blogs. Le blog de l'asile est nominé pour les Golden Blogs grâce à monsieur Redman qui s'occupe du site de l'émission ainsi que du mixcloud.com/Redman. Sur lequel vous pouvez retrouver à la fois les playlists, les podcasts et écouter l'émission en streaming tout au long de la semaine. On va aussi pouvoir retrouver d'ailleurs la playlist de l'émission de la semaine dernière qui était consacrée à un groupe de free jazz originaire de Turquie, à savoir le combo Construct. C'était une émission qui avait été enregistrée comme j'étais en déplacement sur Paris, une émission entièrement muette et musicale. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité de cette playlist et toute l'émission en écoute donc sur asile35.blogspot.fr. Et je propose de démarrer avec une formation qu'on vous avait proposée il y a de ça une quinzaine de jours, une formation qui fait un peu le lien avec l'émission précédente Stone Circus. Il s'agit d'une formation originaire de Thaïlande qui répond au nom de Khun Narin. Ils ont été repérés par un producteur de Los Angeles qui répond au nom de John Marcy suite à une série de clips qu'ils ont postés sur Facebook. Et donc ce producteur est tombé sur le charme de leur musique et il a pris contact avec eux via leur Facebook ainsi que par l'intermédiaire d'un restaurant thaï local. Ça, c'est pour la petite histoire et pour la musique qu'il pratique. C'est le style Fin Prayuk, du nom de l'instrument lead qu'il pratique, un luth à trois cordes qu'il malmène, à grand renfort de pédales de distorsion, de fader et d'effets psychédéliques et hypnotiques. Musicalement, on pense plutôt aussi au groupe Sun City Girls ou alors faux groupe d'Asie du Sud-Est Nyung Fak. Et on débarre donc par un extrait de ce disque de Kun Narin sous le titre Electric Fin Band. C'est sorti sur Innovative Leisure et c'est certainement mon groupe et mon disque psyché de cette rentrée 2014. On écoute le groupe Kun Narin. Thank you. Petit détour par les musiques ethniques qui mettent la tête dans un sac pour commencer dignement cet asile le plus sûr, avec tout d'abord un groupe de folk prog psychédélique originaire de Thaïlande, les Kunarin, qui sont publiés par le label Garage Psyché Innovative Leisure. Excellente formation, apparemment originaire des provinces thaïlandaises, qui était enchaînée avec une compilation d'enregistrements qui là ont été captés dans les provinces reculées du nord des Philippines, publiée par le label de l'Illinois spécialisé dans les rééditions Numéro Group, à qui on devait les excellentes compilations Eccentric Soul, qui s'est fendu de cette excellente anthologie sous le titre Music from the Mountain Provinces. Et il s'agit en fait d'un florilège des enregistrements de l'ethnomusicologue David Blair Stifler, qui a travaillé notamment pour le mythique label Folkways. Donc des captations extrêmement rarissimes des années 80 d'un certain nombre de provinces totalement méconnu de Philippines, qui avait été documenté par très très peu d'enregistrements, à part peut-être ceux de monsieur José Maceda. Apparemment c'est destiné aussi initialement au label Folkways, mais il n'avait pas pu voir le jour à cause de la disparition du fondateur de ce label dans les années 80. Voilà donc une compilation qui fait la part belle s'appelle À la voix, pas sur l'enregistrement qu'on écoutait, qui était plutôt une sorte de sitar bambou avec un rythme un peu proto-rock. C'était juste un extrait, la pièce fait 8 minutes. Il y a vraiment des choses très très fantastiques sur cette compilation Music from the Mountain Provinces, avec un excellent livret et des photos à tomber par terre. On va continuer avec un musicien qu'on vous a proposé aussi déjà en cette rentrée 2014, monsieur Hans Joachim Irmler, l'ex-claviériste de Faust, qui revient avec une série d'enregistrements sur son label Klangbad, mais pas que. On vous avait passé il y a de ça une quinzaine de jours, je ne sais plus si c'était une quinzaine ou trois semaines, sa rencontre aux côtés de Jackie Liebzeit de Cannes, l'album Flute qu'il a fait paraître sur Klangbad. Et il s'est fendu d'une série de collaborations comme celle que je propose ce soir aux côtés de Madame Gudrun Gut, de son vrai nom Bredemann, l'ex-membre des Malaria, le combo post-punk industriel féminin allemand, qui fut aussi collaboratrice d'ailleurs épisodique d'Einstürzen 2 Neubotten à ses tout débuts. Et autant je vous disais que la rencontre aux côtés de Jackie Liebzeit était un peu dispensable, à quelques exceptions, à quelques titres près, autant ce disque qui vient de sortir sur le label de Hambourg Bureau B sous le titre 500M comme Miles est plutôt excellent. On va pouvoir s'en rendre compte avec un titre, celui qui démarre cet opus sous le nom Gut und Irmler, donc une musique un peu électronique avec des côtés un peu post-industriels mais aussi assez rythmé, un disque plutôt très très chouette. Thank you. Séquence qu'on pourrait qualifier de no wave disco dans l'asile le plus sûr, qui a démarré avec tout d'abord Gut und Irmler, toujours aussi difficile à prononcer pour un non germaniste comme je le suis, et l'album 500M publié par le label de Hambourg Bureau B, qui réédite quantité de choses autour des musiques motoriques et du krautrock historique des années 70, ainsi qu'un certain nombre de nouvelles formations, comme cette rencontre donc entre Gudrun Gut, qui elle avait démarré à la fin des années 70, début des années 80 à Berlin, et qui rencontre donc sur ce disque Hans Joachim Irmler, qui lui avait officié à la fin des années 60, début des années 70, jusqu'en 75 et encore pas mal d'années après, au sein de la formation Faust, du Faust historique et de ses différentes ramifications. Et c'est un disque donc plutôt assez réussi, ce qui n'est pas toujours le cas de ce que peut faire Hans Joachim Irmler avec son clavier un peu post-industriel, mais qui une tendance un peu à ronronner, mais ce qui n'est pas du tout le cas de ce Gut und Irmler, qui était enchaîné donc avec un disque solo de monsieur Eric Copland, membre du groupe de noise électronique chaotique mais néanmoins dansant de Brooklyn, Black Dice, qu'on propose assez régulièrement dans cette même émission. Alors, il s'agissait d'un 45 tours sous le titre Miss Pretzel, sorti chez DFA à la fin du mois d'août. Donc un peu à l'image de ce qu'il a pu sortir et de ses précédents albums, qu'il sort à peu près à intervalles réguliers, notamment celui qui était sorti l'an dernier sous le titre Joke in the Hole. Et en plus de ses excellents LP, il publie assez régulièrement aussi des maxi 45 tours, donc comme celui-ci, ainsi qu'un autre qu'il vient de faire paraître aussi en parallèle sous le titre Logo My Ego, qui celui-ci est sorti sur sa propre marque de disque Lies, et les deux sont tout aussi recommandables que ce qu'il produit au sein des Black Dice. On va enchaîner avec tout autre chose, et un disque aussi qui marque cette rentrée 2014. Il s'agit du nouvel opus de Power Dove, publié par Murai Sky Music il y a de ça quelques jours. C'est sorti mi-septembre ce disque Arrest, donc qui est un peu dans le prolongement du disque qu'ils avaient sorti l'an dernier sur African Tapes, qui s'intitulait Do You Burn. Donc Power Dove, qui est une formation de folk chanson hybride, on pourrait dire. Le projet de sa chanteuse multi-instrumentiste Annie Lewandowski. Il y a eu plusieurs incarnations de ce projet avant celle-ci, qui s'est stabilisée autour d'un trio dans lequel on retrouve à ses côtés deux personnalités des musiques de rock de traverse de ces 10-15 dernières années, notamment John Dieterich de Diroof et autres projets de free rock tels que Colossomite ou encore Gorge Trio, et l'excellent Thomas Bonvalet, ex-membre de Cheval de Frise et qui officie aussi sous le nom de L'Ocelmar. Tous les trois, ils pratiquent donc une musique plutôt de chansons biscornues avec un gros travail acoustique et sur les instrumentariums assez obliques. Vous allez pouvoir vous en rendre compte avec le titre qui démarre cet opus, Arrest par Power Dove, le morceau When You're Near. never enough. No, never enough. C'est la séquence de Songwriter pas drôle et même franchement gothique de l'Asile le plus sûr qui a démarré avec la musique de Miss Annie Lewandowski et son excellent projet Power Dove, le disque Arrest publié par Muraille Music qui est du même tonneau que celui qu'ils avaient sorti les Power Dove l'an dernier, tout aussi excellent et dans le registre des musiques à écouter tout seul dans le noir et à se plonger dans les ambiances intimistes et autres sucreries psychosoniques que comporte ce disque Arrest, qui était enchaîné avec une autre des nouveautés de la rentrée. Et là, il s'agit vraiment d'une rencontre pour le moins phénoménale, celle qui vient de voir le jour sur le label 4AD ou 4AD sous le titre Soused. Il s'agit de la rencontre entre Mr. Scott Walker et le duo de drone doom de Seattle, Sun, le personnage misanthrope le plus célèbre de l'histoire de la pop musique depuis qu'il s'est retiré des affaires au début des années 80, commence à faire mentir sa propre légende qui voulait qu'il sortait un disque à peu près tous les 11-12 ans depuis il y a de ça 30 ans, depuis qu'il vit de manière un peu recluse. Eh bien non, là il a sorti coup sur coup 3 disques en même pas une dizaine d'années. Le sublissime The Drift qui marquait sa première rencontre avec le label 4AD, s'en était suivi Beach Botch, c'était sorti en 2012 également sur sur 4AD. Et donc il récidive, et cette fois-ci avec les affreux Sun, le groupe de Stéphane O'Malley, et ce disque qui est plutôt dans le registre de son songwriting et de ses compositions très très lugubres et très pénétrantes, avec toujours sa voix de stentor particulièrement caverneuse, et qui se marie très très bien donc avec les ambiances lourdes des Sun, mais qui se plie plutôt donc à l'univers de Scott Walker. Voilà ce qu'on peut dire sur ce Soused, qui est un disque assez recommandable, je dois dire, même si sur le papier la rencontre pouvait faire assez peur, la musique le fait tout autant. Je vous propose de poursuivre avec un autre disque tout aussi recommandable, sous le nom assez bucolique de Anjou. Anjou qui est la rencontre entre les membres de La Bradford, Mark Nelson et Robert Dawn, et le percussionniste qu'on rencontre assez régulièrement, Stéphane S. Anjou sur le label Cranky, et c'est une musique électroacoustique du plus bel effet. Je propose d'écouter le titre qui est proposé un peu à l'écoute sur internet, le morceau Sighting. toujours dans les îles de Puissure avec une longue séquence électroacoustique psychédélique qui a démarré avec la jeune formation qui répond au nom de Anjou, dans laquelle on retrouve les ex-Labradford et membres de Pan American, Mark Nelson et Robert Dawn, qui sont rejoints par l'excellent percussionniste Stéphane Hess, qui collabore assez régulièrement d'ailleurs avec Mark Nelson de Pan American, ainsi que dans quantité de formations, notamment les groupes Aptic et autres Locrian. On l'a entendu aussi dans On et dans pas mal de rencontres en duo. C'est plutôt un percussionniste qui fait des travaux sur les matières percussives dans un registre proche de l'électroacoustique, même si c'est plutôt un improvisateur. On l'a entendu notamment aux côtés de Greg Davis et autres Robert Hampson. Excellent disque, donc ce disque Anjou, publié par le label Cranky, qui avait sorti la plupart des choses qu'avaient sorti les Labradford quand ça existait dans les années 90. Et c'était enchaîné avec encore deux vieux de la vieille. Il s'agissait de la rencontre entre Edward Caspel, le Britannique émigré aux Pays-Bas, membre des Legendary Pink Dots, aux côtés du Marseillais Philippe Petit, sur un disque qu'ils ont sorti au printemps dernier. C'était sorti, je crois, pour le Records Store Day à la fin du mois d'avril, sur vinyle coloré sous le nom de Are You Receiving Us, Planet Earth, et c'est le label Rust Blade qui a sorti ça dans une édition assez limitée. C'est sorti en disque coloré, donc à 300 exemplaires. Donc si la musique de Monsieur Caspel vous intéresse, ainsi que celle du fondateur du label Bebop, je vous recommande bien chaudement cette rencontre, qui est plutôt assez bien foutue, comme le titre assez long qu'on écoutait, Needles Number 4. Et pour ceux qui connaissent la musique des Legendary Pink Dots, il y a pas mal de séries autour de ces fameuses Needles, donc c'est plutôt dans le prolongement de ce type d'expérimentation électroacoustique post-psychédélique. On va continuer avec toute autre chose, et il s'agit d'un disque, plutôt d'un coffret plus exactement, quadruple CD, qui rend hommage à la musique de Peter Kowald. Peter Kowald, qui était un contrebassiste très très important de la free music européenne, contrebassiste et aussi tubiste d'ailleurs, improvisateur, qui est décédé au début des années 2000. Il a beaucoup compté dans ses musiques depuis la fin des années 60, notamment dans ce qu'il avait pu produire aux côtés par exemple de Bar Phillips, de Peter Broadspan, d'un peu tout ce qui bougeait dans la free music européenne de l'époque, notamment Paul Lovens, Leo Smith, Gunther Sommer et quantité d'autres musiciens avec lesquels il improvisait et il ferraillait dur à l'époque. J'ai eu l'occasion de l'entendre aussi en solo avec sa grand-mère, c'était un peu avant qu'il décède, et c'était vraiment brillantissime ce qu'il pouvait produire, ce Peter Kowald. Et donc un coffret rend hommage, je crois que c'est plus ou moins pour fêter les 70 ans de sa naissance, ce disque discographie, qui est un disque box set, dans lequel on retrouve un très très beau livret extrêmement copieux, avec une discographie entièrement détaillée de ce qu'il a pu sortir, Peter Peter Kowald et beaucoup d'illustrations et de témoignages. Quant aux quatre disques qui illustrent ce discographie, on le retrouve en solo ainsi qu'en trio aux côtés de ses camarades de jeu Wadadaleo Smith à la trompette ou encore le percussionniste Gunther Baby Summer, également avec Andrew Cyril. Et là, je vous propose d'écouter un disque qui était sorti une dizaine d'années avant qu'il disparaisse sous le nom de Aphorism Trio, dans lequel on le retrouvait aux côtés du percussionniste allemand avec lequel il s'est beaucoup illustré, donc Gunther Baby Summer, et le clarinettiste d'origine grecque Floridis. Alors je crois me souvenir que c'était sorti d'ailleurs sur sa propre marque de disque sous un nom totalement grec, voilà, le label de monsieur Floros Floridis. Quant au label qui publie cet excellent coffret sous le titre Discographie, il s'agit de Jazzwerke Tac, ou Werkstack, c'est toujours aussi dur à dire l'allemand pour votre serviteur, qui était en fait une boutique de disques de jazz free qui avait beaucoup compté en Allemagne de l'Est du côté de Peitz, qui a existé à partir des années 70 et qui organisait aussi, je crois, un festival et qui depuis continue ses activités principalement en sortant des coffrets avec pas mal d'archives de ce qu'il pouvait produire dans cette mouvance donc du free jazz européen. Je propose une séquence de plusieurs titres enchaînés extraites de cet excellent disque de Peter Kowald, Aphorisme, donc sur 5-6 morceaux. Ce sont des impromptus enchaînés. Je propose donc d'écouter ça tout de suite. Ha ha ha! À l'instant, dans les îles obscures, vous étiez du côté des musiques improvisées pour le moins étonnantes, avec tout d'abord un excellent trio et un disque qui était sorti dans les années 2000 sous le nom de Aphorisme Trio, sur lequel on retrouvait le contrebassiste Peter Kovald, le clarinettiste d'origine grecque Floros Floridis, et à la batterie percussion et pas mal d'autres choses en coureur. Il s'agissait du brillantissime Gunther Baby Summer, un disque qui est devenu rare, qui était sorti en digipack à l'époque, très beau digipack d'ailleurs, très belle pochette, et c'est désormais réuni dans un coffret sous le nom de Discographie, coffret quadruple disque qui rend hommage à la musique du regretté Peter Kovald. Et on a continué avec une séquence dans laquelle on retrouvait trois musiciens d'origine québécoise. Et c'est un quartet qui est mené par la guitariste et aussi chanteuse assez surprenante Sylvie Chenard, que je découvre dans ce quatuor alloctone. Elle est aussi à l'électronique, aux côtés du contrebassiste Alexandre Dubuc, de Rémi Leclerc qui est aux percussions et aussi électronique, donc une sorte de musique improvisée avec beaucoup donc d'électronique rajoutée. Et la quatrième personne est une parisienne assez connue, une jeune saxophoniste qu'on suit depuis quelques années, qui répond au nom de Cathy Hayden. Il s'agit d'un disque sorti par l'excellent label de musique improvisée québécoise et jazz contemporain Tour de Bras. Voilà, donc des musiciens à suivre assez régulièrement, et ce disque est vraiment brillantissime, donc une sorte de recherche entre improvisation et électro-acoustique. Pour en revenir à Cathy Hayden, voilà ce que je voulais vous signaler aussi comme information. Je vous recommande bien chaudement un disque qu'elle a sorti de jazz incandescent aux côtés du percussionniste Roger Small. C'est sorti sur le label des Pays-Bas Tostitok Sound il y a de ça très peu de temps. Voilà, donc on va se quitter dans quelques minutes. Je voulais vous proposer, avant de rendre cette antenne, quelques annonces concerts, et notamment le retour des France Sauvages qui seront au Terminus dans une soirée organisée par l'association Tendresse et Passion. Ce sera ce mercredi 24 septembre, donc au Terminus, le fameux bar-concert derrière la gare. Ils seront aux côtés de Mooncup Accident, White Wickman et Rouilleux. Et pour ce qui concerne Monsieur Arnaud Breuil, il sera aussi au sein de Une fille pour le diable dans une soirée organisée le lendemain, donc ce sera le jeudi 25 à l'œil d'Oudac, donc pas très loin des élaboratoires, dans la maison occupée par l'œil d'Oudac. Et les France Sauvages seront aussi en concert, ce sera ce vendredi, dans le cadre du Ainu Fest à Montaigu, avec une programmation assez dantesque sur deux jours, donc vendredi et samedi, possibilité d'amener son couchage et de profiter des derniers rayons du soleil et des dernières chaleurs de l'été pour cet excellent festival organisé donc à Montaigu. On va se quitter avec une séquence de jazz free, une fois n'est pas coutume dans l'asile le plus sûr, et il s'agit de la rencontre entre le saxophoniste de Cactus Truck, le brillantissime John Dickeman, qui rencontre le contrebassiste d'origine portugaise Gonzalo Almeida et le batteur George Ado, sur un disque publié très récemment par l'étiquette de musique improvisée portugaise Créative Source, sous le titre Monstro. Je propose d'écouter le titre Eastern Tides, qui sera une très très belle conclusion à l'émission de cette semaine. Juste pour vous signaler aussi que Cactus Truck a un nouvel album qui va sortir d'ici quelques semaines sur l'étiquette polonaise Note 2, et pas mal d'autres projets de ses membres, donc de side project comme on dit, et donc on aura l'occasion d'en reparler davantage dans de futures émissions. Je vous rappelle que les playlists et l'intégralité des émissions de l'Asile le plus sûr sont écoutables sur le blog asile35.blogspot.fr ou encore sur le mixcloud/redman. Je vous souhaite une excellente nuit ainsi qu'une bonne semaine. À bientôt.